Ils ont RTT 666. Ratio toujours dans le positif, c'est ma fin tu me suis sur position. Je peux d'une vie possessive, affaire à la sub, c'est la solution. Prépare bien les apéritifs, et t'inquiète, je m'occupe de la finition. Fuck ceux qui retournent la veston, sans pitié, les phalanges laissent tomber. La bulle terre comme sédatif, et toi le sang, t'as le sédatif. En boiton comme ta synthétique, petit clip veut pas de fumer de la cocaïne. T'es moi tous ces chip, ça c'est pas des chip. Si c'est parce que les shit, tu connais plus le, j'écoute pas ces chip. G67 avec le R, t'es grelé. Pop solo ou sans mon R, t'es grelé. J'suis pas hautain, mais j'suis clair, j'ai grelé. Fuck le RG, fuck le clair, j'ai grelé. Pourquoi tu flexes et vous perdez grelé? Caca chamo avec la Philippe Mo. Goûte sur le beat, j'ai un silido. J'viens pour un militant, chop cheese, puis on quitte illico. Vite, j'ai une armée, vite, elle est armée. Diabé affamé, faut qu'il j'aime tout pas nous charmer. Direct du street bitch, même au street bitch. Fuck tous ces fifous sont tous faussés pour ça qui chute vite. J'suis avec 2-3 poteaux au pote. J'suis avec 2-3 pétasses toute la journée. Tu parles de semi-auto, négro, vas-y décale. Tu sais bien que nous et toi c'est pas égal. Putain dégage de là, tout va bien. S'il y a du sirop, ramène ton cul. J'vais fais danser le sirop de la beuf. J'la pèse ta go, j'la pute jamais. J'la pèse, j'en roule deux qui m'apaise. Viens au contact, faire gonfler tes trapèzes, boy. Y'en a trop à faire, eh. Si je te chiffre, tu deviens balle. Moi de maçon, ça fait mal. Au vu top, j'ai la dalle. Toujours furtif avec la balle. Tu sais pas pilote, en première tu cales. Tu prends revers, la basto se fait mal. Libéré Rallo, libéré Nine. Rempli le cargo, rempli la malle. 6-7. Venez, bande de salade, tu tapes ta caisse carotte. Parfait, faut faut carotte. Les nerfs, les écarages. J'ai ta la cible, j'ai pas de carotte. La coupe en un carotte. Sur tes rats, tu perds ton talon quand je te tape comme grâce. Elle est rotation, change à fond la location. T'es un des autres, ma barre à ta mère à location. Ce qu'elle est comme, marche avec la sec. C'est nous les stars du clada. Allons sur les 6-7. Sous pastage jaune, sous daron et sous pastis. Au DJ, j'prends tout talisman. Ce qui me colle au doigt, c'est pas du réglisse. Ce qui colle au dent, c'est pas ma pisse. M'a nommé la bœuf dans le bas coude. Y'a des miettes de bœuf dans le hoodie. Laisse laisser des rookies. Je m'ombre là sous ma paire comme Woody. Fessé sur sa croupe, sirop dans la coupe, le lamino. Cerveau fracassé comme son pare-brise pendant la coupe du monde. 9-6-6-7, la pute la go comme une sucette. On pense pas au succès, on transfère le lin dans des éprouvettes. Négro deck, j'poule un palion, j'en boule. Allo, bois pas tôt. Fonce car dans l'un, j'vois pas trop. 6-6-7, RTT trop de saut, négro, il te faut 3 bateaux. J'conge la carburant, négro, j'ai les régimes au Pontiac. Tous les jours, j'croque Vlad Médoc comme si j'étais hypochondriaque. À propos des chiffres négros comme des banquiers suisses. Tout pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Négro, j'arrive tatoué comme un membre de la MS-18. Qui lui a vie, ni qu'un franc négro, ni qu'un missile SS-18. Équipe. Le délire est sérieux, la renvoie des séries. J'ai la bleue, le sérum, quand tu tournes au rhum. On est beaucoup, on t'a pas dit. Un, quoi, ma péwari. Cassez le couche, rallye. 5-45 sur la ligne. Dans un gang, tu valides plusieurs techniques ou manies. La folie de Tony et le charme de Manny. Tambour hydraulique, ses cheveux sentent honey. J'la poule au Othello, elle crie à l'agonie.